بچی ماما بیت هست بگیم دانی لانش جون فلو مکم مات دانا دیفانس کم مات MMS Clan Shenzhen Ike, le jeune Tom Nécro, j'arrive lourd, pèse des jeunes tonnes. En sous-marin, je les repère par le périscope. Que du lin, pas de Aristophe. Pas votant, je fais pas de périscope. Chris Corleone, tu sais que j'ai le Haki sale pétasse. Je suis avec Haki, Blacky, fume le paki. Je veux prendre le pouvoir comme Haki sale pétasse. Gadin, et sous Vlad, j'ai les missiles. Le des océans, c'est des piscines. Négro, je veux pas d'auto-tune, SOF, BG Tech. Ces négros sont marrants, je suis comme Farah, SOF, BG Tech. Fuck, ces négros, ils sont fous de ouf. Je vendrai jamais mon âme, même si je les sous de ouf. Pétasse. Pas de concurrence à part le négro dans la glace. Prochaine, je suis dans le labo, je suis dans la classe. Pétasse. Je vais mettre Dakar dans la classe. Du noir et du drogue, SDO dans la place. En concurrence à part le micro dans la glace. Prochaine, je suis dans le labo, je suis dans la classe. J'en mets un quart dans la place. Oublie de noir et de drogue, SDO dans la place. J'ai un calcin comme Ousmane Pétasse. Et des soupapes comme Ousmane Pétasse. À la tête du cartel comme Guzman Pétasse. Professeur chaîne, ancienne science de la vie et de la terre. Pétasse, je peux pas perdre, j'ai le carré, t'as que la paire. Sokaki, j'ai un cerveau de pépé. Dans la défense, négro, j'ai le cerveau de pépé. SO Black, ils roulent des terres qui font 30 cm. Monster, bro, ma fémère, quand ils font 30 cm. Je veux le compter, je veux le Bouddha, négro. Plus de bif que Booba, négro. 17 LDO, roulé de noir comme Magal de Touba, négro. Double coup, comme un OG de Houston. SORAS, depuis le collège, écoute les OG de Houston. Pas de concurrence à part le négro dans la glace. Prochaine, je suis dans le labo, je suis dans la classe. Je vais mettre Dakar dans la classe. Et du noir et du drogue, SDO dans la place. Pas de concurrence à part le négro dans la glace. Prochaine, je suis dans le labo, je suis dans la classe. Je vais mettre Dakar dans la classe. Et du noir et du drogue, SDO dans la place. J'ai un cerveau de pépé. Dans la défense, j'ai le cerveau de pépé. Pétasse. MSLDO, NRM, 6-7. Équipe.